and change our lives in the name of Jesus. Father, we thank you. And everyone say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour ton odeur. Devant toi, je me répands. Tu fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Tu fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me réponds. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Father, we thank you. We bless you. We give you all the glory, Lord. We come before you, Lord. Say, do what you want to do with us. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Hallelujah. Amen. Who has already won one soul? Qui a déjà gagné une âme? One soul. Une âme. Three souls. Trois âmes. Or you forgotten? Vous avez oublié. Three souls. Trois âmes. Hallelujah. Amen. By the end of this period, d'ici la fin de cette période, we should have won three souls, each one of us. Nous devons avoir gagné trois âmes chacun. Hallelujah. Amen. Yeah. Make it a point. If you've not done it before, try it. Si tu l'as jamais fait, faut essayer. Hallelujah. Amen. Try it. Essaie. It's a blessing. C'est une bénédiction. Amen. Amen. If it's not a blessing, God will not ask us. Pas une bénédiction, Dieu ne va pas nous le demander. God will not ask us anything that will not is not a blessing to us. Dieu ne va rien nous demander qui n'est pas une bénédiction pour nous. Hallelujah. Amen. So decide that for by the end of this period. Donc décide que d'ici la fin de cette période. By the end of the time we stop talking about this, many la, are called. D'ici la fin que nous arrêtons de parler, de nombreux sont appelés. Hallelujah. Amen. You would have won three souls. Tu auras gagné trois âmes. Hallelujah. Amen. Is it a good idea? Est-ce que c'est une bonne idée? Yeah, tonight we want to look at last week. What did we look at last week? Qu'est-ce que nous avons vu la semaine passée? Why anakazo is important? Pourquoi est-ce que anakazo est important? Hallelujah. Amen. Is your life being changed by that message? Est-ce que ta vie est en train de changer par ce message? Are you becoming an anakazo boy and girl? Est-ce que tu deviens une fille ou un garçon anakazo? Hallelujah. Amen. Anakazo forcing. Anakazo forcé. Forcing. Forcer. You don't give up. Tu n'abandonnes pas. Hallelujah. Amen. You don't stand before and then start to cry. Tu ne te tiens pas debout et commences à pleurer. Hallelujah. Amen. Because it's difficult. Parce que c'est compliqué. Amen. Amen. Do you understand? Est-ce que tu comprends? The demons must identify that you are somebody who doesn't give up. Les démons doivent t'identifier que tu es quelqu'un qui n'abandonne pas. Hallelujah. Amen. Yeah. You don't give up easily. Yeah, tu n'abandonnes pas facilement. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? And you see that you'll be moving forward. Et tu vas voir que tu vas aller de l'avant. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? The Bible says that fools or lazy people. La Bible dit que les idiots ou les paresseux. They say that there's a lion on the way. Disent qu'il y a un lion sur le chemin. When they haven't seen a lion. Quand ils n'ont pas vu le lion en question. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So they can't move. Donc ils ne peuvent pas se déplacer. But wise people. Mais les sages, they know that there's no lion on the way. Ils savent qu'il n'y a pas de lion sur le chemin. Ils ne vont pas mourir. Hallelujah. Amen. And so they move. Donc ils se déplacent. And they don't give up. Et ils n'abandonnent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? I don't like the sound. Je n'aime pas le son. The treble. Let the treble. Je n'aime. So tonight we want to look at ce soir, nous voulons voir what it means to be called. Qu'est-ce que cela signifie être appelé? Hallelujah. Amen. I'm sure you're asking what it's called, what it means. Beaucoup d'entre vous entendez être appelé, mais qu'est-ce que ça signifie? It's very, very interesting. Ce livre est très, très intéressant. It's very, very instructive. C'est très, très instructif. Hallelujah. Amen. You will learn a lot of things. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. That you've not heard before. Que tu n'as pas encore entendu auparavant. Amen. Amen. Are you with me? Yeah. What is the first thing? La première chose. Is to be summoned distinctively. To be summoned distinctively. Open a book and read. Chapter 5. Is to be summoned distinctively. La première chose, c'est être convoqué individuellement. Hallelujah. Amen. God called you indistinctively. Dieu t'a appelé individuellement. Amen. Amen. It means that you've been identified. Ça signifie que tu as été identifié. And called by name. Et appelé par ton and nom. Selected by God. Et sélectionné par Dieu. Hallelujah. Amen. Are you with me? Être avec That's moi. What it means. C'est ce que ça to signifie. Be called. D'être appelé. We have about 5 or 6 things. Amen. Nous avons 5 ou 6 choses. Which means what to be called. Qui signifie être appelé. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. So God calls you. God selects you. Donc Dieu t'a sélectionné. God identifies you. Dieu t'a identifié. And called you. Et il t'a appelé. Amen. Amen. You know, when you look in the dictionary, in the book, it's not all in the book. I'm just reading the book for you. Donc, quand vous regardez dans le dictionnaire ou dans le livre, so où se trouve dans le livre? A call is an act in which somebody is summoned distinctively. It means to be named, described, identified, and labeled by God. Être appelé par Dieu signifie être identifié, appelé par son nom et choisi de Dieu. Uh-huh. Is that all? Yeah. Hallelujah. Amen. And the Hebrew word. Et le mot hébreu. Is kara. C'est kara. Which means to be called out. Ce qui signifie. To be properly addressed by name. Ce qui signifie faire appel, parler distinctement en nommant ceux qui sont conviés et demandés. Hallelujah. Amen. And in Greek word is kletos. Et en grec c'est kletos. Which means to be invited or appointed. Ce qui signifie être invité ou nommé. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? So when God calls you, it's selecting you. It's inviting you. Donc quand Dieu t'appelle, il te sélectionne. It's appointing you. Il te nomme. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah, I'm sure that if Ecobank calls you, when you finish school, Ecobank calls you, you'll be happy. Sûr que quand tu finis l'école et que Ecobank t'appelle, tu seras content. Barclays. Ou Barclays. Or Bank of Gabon. Ou Banque du Gabon. Burkina. Ou Banque du Burkina. Côte d'Ivoire. Ou Banque de Côte d'Ivoire. Hallelujah. Amen. Or Bank of Cameroon calls you. Banque de Cameroun t'appelle. You'll be happy because there's money there. Tu seras très content parce qu'il y a de l'argent là-bas. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? Hein? Bank of Côte d'Ivoire will call you. La Banque de Côte d'Ivoire va t'appeler. Hein? Pianist will call you, come and work. Va t'appeler. You'll be happy. Tu seras content. Hallelujah. Amen. And banks will call some of you. Et les banques vont appeler certains d'entre vous. Hallelujah. Amen. Oil, gas, oil companies will call you. Et les sociétés pétrolières vont vous appeler. Mining companies will call you. Les sociétés minières vont vous appeler. You see a girl like Danielle in the mining. Tu vas voir une fille comme Danielle dans une société minière. Hallelujah. Amen. Working. Travaillons. Hallelujah. Amen. But the call of God is more important. Mais l'appel de Dieu est plus important. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? God has called you. Dieu t'a appelé. God has called you. Dieu t'a appelé. And we see a lot of examples. Et nous voyons plusieurs exemples. In Luke chapter 19 verse 5. Dans Luc chapitre 19 verset 5. And Jesus, when Jesus came to the place, he looked up and saw and said unto him, Zacchaeus, make haste, come down, for today I must abide in thy house. Luc 19 verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Hallelujah. Amen. Have you seen? Est-ce que vous avez vu? Call Paul, 1 Corinthiens chapitre 1 verse 1. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1. Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God and sustains our brother. 1 Corinthiens 1:1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosten. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Called. God called you. In Exodus chapter 32, verse 31, verse 2. See, I've called thy name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. Exode 31:2. Regarde, Dieu a appelé par son nom Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Hallelujah. Amen. So God identifies you and calls you. Donc Dieu t'identifie et t'appelle. Hallelujah. To be Amen. Called also means receiving a special mercy. Être appelé aussi signifie recevoir une miséricorde spéciale. Hallelujah. Amen. A special mercy. Une miséricorde spéciale. Amen. Yeah. You receive mercy. Tu reçois de la miséricorde. Special mercy from the Lord. Une miséricorde spéciale. God called you means that he's been lenient with you and he's having pity on you. Quand Dieu t'appelle, ça veut dire qu'il a miséricorde sur toi, il a pitié de toi. Hallelujah. Amen. The call of God to you is his great act of forgiveness. L'appel de Dieu, c'est son grand acte de pardon, de gentillesse. And clemency. Et de clémence. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? God moi? Called you. You know, when you are saved, tu sais, quand tu es sauvé, God has mercy on you. Dieu a pitié de toi. But now he's calling you. Maintenant, il t'appelle for something. Pour quelque chose. So he's showing more mercy. Il te montre plus de miséricorde. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Merci. Miséricorde. And some Hebrew words we have kesed. Et certains mots hébreux nous avons kesed. You know kesed? Est-ce que vous connaissez kesed? It's a Hebrew word for mercy. C'est le mot hébreu pour miséricorde. Yeah, referring to God showing you kindness, favor, and goodly, loving kindness. Hallelujah. Ça bestowing pity on you. Ça renvoie à l'idée de Dieu vous manifestant sa bonté, une faveur, une bonne action et son amour. Hallelujah. Amen. I would. Amen. And in the Greek word, eleo. Et le mot grec, c'est eleo. Hallelujah. Amen. Eleo, eleo, eleo, which means to be compassionate by word or deed. Eleo veut dire faire preuve de compassion par mot ou par acte. Hallelujah. Amen. Are you with me? Amen. Another meaning is of a call is appointed for a special purpose. Une autre signification d'être appelé, c'est être appelé à une fonction spéciale. Are you with me? Amen. Yeah. Appointed for a special purpose. Être appelé à une fonction spéciale. Special purpose. Une to be appointed spéciale. By God means that you have been employed. Sign up. Assigned, selected, chosen, and picked for a job. Être appelé par Dieu, ça veut dire que tu as été appelé, sélectionné, choisi pour un poste. Hallelujah. Amen. Yeah, picked for a job. You've been assigned to play drums. Tu as été sélectionné pour jouer à la batterie. You understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Special purpose. Une fonction spéciale. Special purpose. Une fonction spéciale. That's why we'll call you, oh, come and sing. Voilà pourquoi on va t'appeler, come oh, viens chanter. To lead the battle. Viens diriger come la cellule. And lead the choir. Viens et dirige la chorale. Come and dance. Viens et danser. Hallelujah. Where are the dancers? Où sont les danseurs? You have to dance on Thursday. So. Ils doivent aussi danser les jeudis. Or? Ou bien? Wouldn't it be good? Ce ne serait pas bien? Wouldn't it be good? Or ce serait pas do bien? You agree? Est-ce que vous êtes d'accord? Yeah. Dance on Thursday, Sunday, Thursday. Ils dansent les jeudis, les dimanches, les jeudis. Or? Ou bien? Yeah. When I suggest you people, you don't remind me. You forget. Where are my dancers? Où sont mes danseurs? Thursday dancers. Mes danseurs du jeudi. But are you learning how to dance? Est-ce que vous apprenez comment danser? Huh? De Gaulle, are you learning how De Gaulle, to dance? Est-ce que tu apprends comment danser? Thursday. Le jeudi. Huh? Okay, I'll give you 2 weeks. Okay, after, je vous donne 2 semaines. After Francophone for Jesus. Après le Francophone for Jesus. Jeudi. Special dance. Une danse spéciale. It's feeling hot already. It's feeling hot already. Il a chaud déjà. Hallelujah. Amen. Yeah, so God is calling for a special purpose. Donc Dieu t'appelle pour une fonction particulière. Hallelujah. Are you with me? Numbers chapter 1 verse 50. Numbers 1 verse 50. Be thou, but thou shalt appoint the Levites over the tabernacle of testimony and over the vessel thereof and all the things that belongs to it. They shall bear the tabernacle and the vessel thereof, and they shall minister to it, and they shall encamp around about the tabernacle. Numbers 1:50. Mais tu donneras aux Lévites la charge du pavillon de témoignage et de tous ses ustensiles et de tout ce qui lui appartient. Ils porteront le pavillon et tous ses ustensiles. Ils y serviront et camperont autour du tabernacle. Hallelujah. Amen. 2 Samuel chapter 6 verse 21. And David said unto Michal, I was before the Lord, which chose me before thy father and before all his house, to appoint me ruler over this people, over the people of the Lord, over Israel. Therefore, will I play before the Lord. 2 Samuel 6:21. Et David dit à Michal, cela était devant l'Éternel qui m'a choisi plutôt que ton père et que toute sa maison et qui m'a commandé d'être le conducteur de son peuple d'Israël. C'est pourquoi je me réjouirai devant l'Éternel. Hallelujah. Amen. Yeah. That's why sometimes when they ask you to do something, you think that, oh, it's the pastor who is calling you. Voilà pourquoi quand parfois on te demande quelque chose, tu penses que c'est le pasteur qui t'appelle, mais c'est Dieu qui t'appelle. Do this. Fais ceci, fais cela. In the house of the Lord. Dans la maison du Seigneur. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? God is calling for a special purpose. Pour un but particulier. Amen. Amen. The fourth meaning is separated for God's purpose. La quatrième signification, c'est être séparé pour servir Dieu. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Bishop said, perhaps this is the most important definition of what it means to be called. L'évêque dit peut-être c'est la définition la plus importante de ce que signifie être appelé. God's calling isolate and separate you from the larger body of Christians. L'appel de Dieu vous isole et vous sépare du plus grand nombre de chrétiens. Hallelujah. Amen. Separate you. Ça te sépare. From the group. Du groupe. Hallelujah. Amen. Separate you from your friends. Ça te sépare de tes amis. Separate you from the world. Ça te sépare du monde. Hallelujah. Amen. You will not find yourself being in certain places again. Tu te retrouver dans certains endroits encore. You know, that's why some people, it's difficult for them. Voilà pourquoi c'est difficile pour certaines personnes quand Dieu les appelle. Because they don't want to separate themselves from the world. Parce qu'ils ne veulent pas se séparer du monde. They want to be able to go there again. Ils veulent être capables de toujours aller là-bas. Go and forniquer small. Ils veulent toujours aller forniquer un peu. They don't want to be separated. Ils ne veulent pas être séparés. Hallelujah. Amen. Yeah, that's the most important definition of being called. C'est ça la définition la plus importante d'être appelé. Dieu te sépare. From the world. Il te sépare du monde. The same thing you won't do again. Et c'est une chose que tu ne vas plus faire. Hallelujah. Amen. Don't you realize that there's certain things you can't do again? Est-ce que tu ne réalises pas qu'il y a certaines choses que tu ne peux plus faire? Yes, friends, you can't get close to them. Il y a certains amis, tu ne peux pas te rapprocher vraiment d'eux. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. That's the call. God is calling. God C'est is ça l'appel. Dieu t'appelle. Dieu te sépare. God Dieu t'isole. Dieu te détache. Hallelujah. Amen. From the larger group, it's taking you out. D'un grand groupe, il t'enlève. Amen. Amen. Even in the church, the same thing. Maybe a lot of Christians, but pick you out. Même dans l'église, c'est la même chose. Special. Il peut avoir un grand groupe de chrétiens, mais il te sélectionne toi pour quelque chose de spécial. Are you with me? Yeah. That's the call. C'est ça l'appel. That's the call. C'est ça l'appel. God is calling. God is separating us. Dieu t'appelle. God Dieu is nous moving sépare. Out from the group. Il nous retire du groupe. God wants us to separate ourselves from the world. Dieu veut que nous nous séparions du monde afin qu'il puisse nous utiliser. So you see that a lot of people are interested. They find it difficult to do something in the church. Il y a certaines personnes qui sont à l'église, mais ils trouvent ça compliqué de faire quelque chose dans l'église. Because they are not totally separated from the world. Parce qu'ils ne sont pas complètement séparés du monde. When you see somebody, oh, I don't want, oh, okay, let me wait small. Okay, I want to wait small. I want to think about it. Quand tu vois quelqu'un dire, oh non, je attendais un peu, je vais réfléchir dessus, je vais Hallelujah. Prendre mon temps. I want to wait small. Je vais attendre un peu. Yeah, when you hear that, you know that the person is not totally separated. Quand tu entends ça, tu sais que la personne n'est pas complètement He wants to séparée. Come. La personne veut venir. He wants to be around. Il veut être autour. But he's not separated. Mais il n'est pas séparé. So it's difficult to do something for God. Donc c'est difficile de faire quelque chose pour Dieu. Yeah. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? They want to watch pornography small. Ils veulent regarder un peu la pornographie. To go to the club small. Ils veulent un peu aller en boîte de nuit un peu. Ils veulent boire un peu. They want to smoke small. Ils veulent fumer un peu. They want to dance in a club. Ils veulent danser en boîte de nuit. They cannot give themselves for God. Donc ils ne peuvent pas se donner à Dieu. The same thing. God calls you. God is calling you for salvation. Même chose. Quand Dieu t'appelle pour le salut. You find it very difficult to separate yourself from the world. Tu trouves ça difficile de te séparer du monde. You find it difficult to live that life. Tu trouves ça difficile de laisser cette vie. To come to God. Et venir à Dieu. Let me think about it. Donc tu dis, laisse-moi attendre un peu, laisse-moi réfléchir. Yes, I understand. Oui, je comprends. I have to give my life to Christ. Je dois donner ma vie à But Christ. You wait tomorrow. Come next week. Mais attends un peu, viens we'll la semaine again. Prochaine et on va parler And encore. Some people, they will find reasons. Et certaines personnes vont trouver They'll des raisons. Questions. Ils vont trouver des They'll questions. Ask you a lot of questions. Ils vont te poser beaucoup de questions. Yeah, yesterday, somebody sent me, pastor, what can I say to people when they ask me this question? Hier, quelqu'un m'a envoyé un texte et m'a demandé, qu'est-ce que je dois dire quand les gens me posent cette question? So me pose beaucoup de questions. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Those people, they don't want to separate themselves. Ces personnes ne veulent pas se séparer. So they'll ask questions. Donc, ils vont poser des questions. Foolish questions. Des questions stupides. Foolish questions. Des questions stupides. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. Separated. Séparé. God is separating us. Dieu nous sépare. God is isolating us. Nous isole. Hallelujah. Amen. Are you with me? Es-tu avec moi? Yeah. For some people, there is ideas. We can't separate us. We can't leave those ideas. Pour certaines personnes, ce sont les idées. Ils ne peuvent pas laisser leurs idées. You can't separate yourself. You want to have the same ideas. Tu ne peux pas te séparer. Tu veux avoir les mêmes idées. God is telling us, no, I know this. Dieu te dit quelque chose, mais tu t'accroches aux choses ainsi. Tu sais, tu connais ceci, tu connais cela. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. Wow. Are you here? Êtes-vous ici? Are you sure? Êtes-vous sûr? Deuteronomy 10:8. Deutéronome 10:8. Deuteronomy 10:8. At that time, the Lord separated the tribe of Israel to bear the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord, to minister unto him, and to bless his name. And to this day. Deutéronome 10:8. En ce jour-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Deuteronomy 32, verse 8. When the Moabites divided the nations, their inheritance, and when he separated the sons of Adam, and he set the bounds of the people according to the number of the children of Israel. Deutéronome 32, 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Hallelujah. Amen. These are just examples. Paul, Romans chapter 1, verse 1. A servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Un autre exemple, c'est Paul dans Romains 1:1, qui dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Hallelujah. Amen. Galatians chapter 1 verse 15. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by his grace. Galates 1:15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Hallelujah. Amen. So, most of us, God has called us even in our mother's womb. La plupart d'entre nous, Dieu nous a appelés depuis le sein de nos mères. Yeah. Your mother's womb, God has called you. Dans le ventre de ta mère, Dieu t'a appelé. Amen. Amen. Are you with me? And he's separating you. Et il te sépare. Separating you. Il te sépare. From things that will prevent you from serving God. Des choses qui vont t'empêcher de le servir. Amen. Amen. Yeah. And you know the thing that you should separate yourself from. Tu sais les choses dont tu dois te séparer. You know. Tu sais. You know. Tu sais. Yeah. Yeah. Of us Christianity is difficult. Certains d'entre nous, la chrétienté est difficile. Because we don't want to separate ourselves. Parce qu'on ne veut pas se séparer. Yeah, think about it. Pense à cela. Yeah. Think oui. About it. Pense à cela. Think about it. Pense à cela. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Acts chapter 13 verse 12. Acte 13:12. And they ministered to the Lord and fasted. And the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I call them. Acte 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Hallelujah. Amen. God called you and separate you. Dieu t'a appelé et t'a séparé. Yeah, because if you don't separate parce yourself, si tu you te sépares, cannot. You can do it, but it will not be effective. Tu peux le faire, mais ce ne sera pas efficace. You try. Tu vas essayer. That's why sometimes it doesn't work. Voilà pourquoi parfois ça ne marche pas. You see that you are struggling. Tu vas voir que tu te bats. The thing is not working. Ça ne fonctionne pas. There are certain things that you need to separate yourself from. Tu dois te séparer de certaines choses. Yeah. You know what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Separate yourself. Sépare-toi. Separate yourself. Hallelujah. Are you with me? Avec moi. Yeah. Yeah. Today we are just looking at the meanings. Et on voit juste les significations. The meanings. Les significations. Meanings of how to be called. Another one is to be sent out properly. Une autre signification d'être appelé, c'est être envoyé proprement. Hallelujah. Amen. Properly. Properly. It's not like you, I went. C'est pas que oh, je suis okay, parti. I'm going. No. Pas que oh, je pars. Non. Somebody picks you and say go. Quelqu'un and t'a, do one, two, three. Quelqu'un t'a choisi et t'a dit va, fais un, deux, trois. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. God is going, sending us. Calling us and sending us Dieu nous appelle et to nous envoie pour aller gagner des âmes, to go and do the work. Pour aller faire le travail. So he's sending us properly. So you are going in the name of God. Il nous envoie proprement, donc nous y allons au nom de Dieu. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Yeah. Send out properly. Il nous envoie proprement. Properly. And proprement. The word, the Hebrew words, and they are all there. Et les mots hébreux sont tous ici. Shalak. Shalak. In Hebrew. En hébreu. Hallelujah. Amen. And apostello. Et apostello. Yeah, that's apostle. You see. Sent. Ça veut dire you are being sent. Être envoyé. Ça veut dire envoyé. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Exodus chapter 3, verse 15. Exode 3, 15. And the Lord said, moreover, unto Moses, thou shalt say unto the children of Israel, the Lord of God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Exode 3, 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Hallelujah. Amen. Yeah. Jeremiah chapter 1 verse 7. But the Lord said unto me, say not, I am a child. For thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Hallelujah. Amen. Yeah, God has sent you. Dieu t'a envoyé. Call you, sent you properly. Il t'a appelé, il t'a envoyé proprement. Hey, amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. It's powerful. C'est puissant. Is it powerful? Est-ce que c'est puissant? Are you sure? Êtes-vous sûr? Amen. Amen. Another meaning is receiving grace from God. Une autre signification, c'est recevoir la grâce de Dieu. Amen. Amen. Yeah. Means grace, the grace upon your life. Kindness over your life. Above all the kindness, other kindness. Hallelujah. Cela signifie yeah. recevoir la gentillesse de Dieu par-dessus tout. Amen. Amen. Are you with me? Mm-hmm. Yeah. And then the last one, receiving a ministry from God. Et le dernier, c'est recevoir un ministère venant de Dieu. Hallelujah. Amen. A ministry. Un ministère. A ministry. Un ministère. A function. Une fonction. Hallelujah. Amen. Put you in an office. De mettre dans un office, dans une Amen. Fonction. Amen. As a pastor or apostle or a prophet. En tant que pasteur, apôtre ou prophète. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous ici? Yeah. Yeah. Colossians chapter 4 verse 17. Colossiens chapitre 4 verset 17. And say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou shalt fulfill it. Colossiens 4, 17. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Hallelujah. Yeah. Yeah. Ah, did I say the last one? Est-ce que j'ai dit le dernier? Not the last one. C'est pas le dernier. Oh, il y en a about 9. Okay. Il y en a environ 9. And eight, the eighth. Le huitième. Reason or meaning. Receiving a talent from God. La huitième raison, c'est recevoir un talent de Dieu. Means that you receive a talent. Quand Dieu t'appelle, ça veut dire que tu reçois un talent. Dancing. Danser. Moving your body. Bouger ton corps. Who cannot dance here? Qui ne peut pas danser ici? You know, all of us, all of you, we can dance in the disco. In the disco. Vous savez, vous tous, vous pouvez danser dans une discothèque. Or a nightclub. Ou dans une boîte de nuit. Is it true or not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Nightclub, everybody here will dance. Boîte de nuit, tout le monde ici va danser. Yeah. Oui. Yeah, nightclub. Oui, boîte de nuit. All of us here. Nous tous ici. When they put you there. Quand on te met là-bas. You will see the skills. On va voir les talents. You will see. On va voir. The dance that people will dance. Les danses que les gens vont faire. The people that who are cool here. Les gens qui sont calmes ici. Like they can't kill a mosquito. Ils ne peuvent même pas tuer un moustique. Yeah. You are cool like you can't kill a mosquito. Tu es calme comme si tu ne pouvais pas tuer un moustique. When we see you there. Mais quand on te voit là-bas. Yeah. What kind of dance that you have? Quelles sont les danses que nous avons? Zouk. Le zouk. What? Quoi? Hip hop. Le hip hop. What? Salsa. La salsa. Hey, there are some people who are dancing salsa here. La dernière fois, des gens dansaient la salsa ici. I said wow. J'ai dit wow. Ah? Ah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, oui, oui, oui, oui. Christian and the partner. Christian et. They are doing salsa. Chandela, il faisait la salsa. For the Lord. Pour le Seigneur. I tell you. Je vous dis. Yeah. Hallelujah. Amen. We all have a talent. Nous avons tous un talent. Yeah, a talent. Talent. Amen. Amen. Yeah. God has called you. Dieu t'a appelé. Yeah. Rap, rap, rap. Le rap. Yeah. Where's Prince? Où est Prince? Yeah. You see that? Yes, that's the words. Ils ajoutent, ils collectionnent les mots. They align the words and you ils can align les mots. Hey, can you do that? Est-ce que tu peux faire ça? You can't do it. God has given you a talent. Tu peux pas le faire. Dieu t'a donné un talent. You know something? Vous savez quoi? All the music and all the instruments that are being played in this world. Musique et tous les instruments qui sont utilisés dans ce monde was created by God. Ont été créés par Dieu. Yeah. Oui. It's created by God. Ça a été créé par Dieu. Yeah. Oui. And God put everything into Lucifer. Et Dieu a tout mis dans Lucifer. Yeah. So Lucifer was singing and playing for God. Donc Lucifer chantait et jouait pour Dieu. Was the choir leader. Il était le directeur de la chorale. Yeah. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? And it was nice, beautiful. Et c'était beau, très joli. Beautiful. Très joli. You make sounds that you cannot describe. Il va faire des sons que tu ne peux pas décrire. Yeah. A voice that you can't describe on this earth. Une voix que tu ne peux pas décrire sur cette terre. Gave Lucifer. C'est ce que Dieu a donné à Lucifer. Yeah. And when he disobeyed, et quand il a désobéi, and was thrown out of heaven, et a été chassé du ciel, he changed everything. Il a tout changé. Hallelujah. Amen. Yeah. Today when you see people dancing and singing, danser et chanter, in church, ah, but church, why are you doing this? Why are you doing this for Satan? Who told you it's for Satan? Et quand tu vois les gens danser et chanter dans l'église, on va, tu vas demander, oh, mais pourquoi vous faites ça? C'est pour Satan. Mais qui t'a dit que c'est pour Satan? Satan has spoiled what God has created. C'est juste que Satan a gaspillé ce que Dieu a créé. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Satan has changed it. Satan a changé. And we've heard people singing for Satan a lot. Et nous avons beaucoup entendu les gens chanter pour so Satan. When we sing almost the same thing with God, with the Spirit of God, people donc, think that is wrong. Donc quand on chante presque la même chose pour Dieu avec l'Esprit de Dieu, les gens pensent que c'est mauvais. Or, ou bien, like when you see rappers, they are rapping. Les rappers. Carlos and his group, they are rapping. Carlos et son groupe, ils rappent. Church. Les gens vont dire, they are rapping here. What's going on here? Is it a church? Ça se passe ici. Ici c'est une église, c'est pas une église. Why not? It's for God. Why not? It's pourquoi God pas? Created it. Si c'est pour Dieu, c'est Dieu qui l'a God créé. Created it. Dieu l'a créé. Or, ou bien, am I saying something wrong? Est-ce que je dis quelque chose created de mauvais? It. Why can't we do it for God? Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça pour Dieu? Oui. You know what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? God created it. Dieu l'a créé. All the ways, the music, the everything that is God created. Satan has taken it. Tout, so we think that it's for Satan. Toute la musique et tout le reste, c'est Dieu qui a créé ça, mais Satan a pris cela, donc nous pensons que c'est pour Satan. Yeah. Of course, we will not sing what Satan is singing. Bien sûr, nous n'allons pas chanter ce que Satan but chante. But we'll sing. What is for God? What will glorify God? Nous allons chanter ce qui va glorifier Dieu. Est-ce que vous comprenez? Yeah. We'll pray. Those who sing, they pray. Nous allons prier. Ceux qui they chantent, ils prient. Ils sont des chrétiens. They are filled with the Spirit of God. Ils sont remplis de l'Esprit and de Dieu. Singing for God. Et ils chantent pour Dieu. Hallelujah. Amen. Are you with me? Ils sont avec yeah. So every song, there's a spirit behind. Donc dans chaque chanson, il y a un esprit derrière. Satan have a spirit. That's not, they don't have a good spirit singing it. Ceux qui chantent pour Satan, ils ont un mauvais esprit qui chante avec eux. Donc, tu ne dois pas écouter cela. Hallelujah. There's a spirit behind it. Il y a un esprit derrière cela. Yeah. Yeah. Oui. The spirit behind. Il y a un esprit so derrière. So don't listen to the music of the world. Donc, n'écoute pas la musique du if monde. God has given you a talent, si Dieu t'a donné un talent, and you can sing, you et can tu peux play, chanter, tu peux play jouer, for him. Joue pour lui. Hallelujah. Amen. Play for him. Joue pour lui. And don't listen to the world song, the worldly song. Monde. Yeah, there's a spirit. Il y a un esprit. That's why when you listen to some song, you have erecting. Voilà pourquoi quand tu écoutes certaines chansons, tu es en érection. When you listen to some song, you want to have sex. Quand tu écoutes certaines chansons, tu as envie d'avoir des rapports sexuels. You think it's just a song? Est-ce que vous pensez que c'est juste une chanson? Yeah. When you listen to it, you go and look for a girl and have sex. Quand tu écoutes cela, tu vas aller chercher une fille et avoir des rapports sexuels. Or you can take a gun and kill somebody. Ou tu peux prendre un fusil et tuer quelqu'un. Do you have something? Est-ce que vous comprenez ce que you je dis? Looking at me. Vous me regardez. It's true. C'est vrai. It's true. C'est vrai. Yeah. They are spirits. Ce sont des esprits. They are spirits. Ce sont des esprits. They are spirits. Ce sont des esprits. Yeah. That's why when you come to church and we do worship, we voilà. Sing a song. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église et on chante, tu te sens encouragé. Because the spirit of God. Ça, c'est l'esprit de you Dieu. Feel you trust God more. Tu sens you que have tu more crois hope. Plus en Dieu. Tu as you plus d'espoir. Tu es content. So there's a spirit of God in behind the song. Donc tu vois qu'il y a l'esprit de Dieu derrière la chanson. Yeah. Amen. Are you with me? Yeah. Yeah. So if God has given you a talent, donc do si it Dieu for t'a donné him. Un talent, utilise-le pour lui. Do it for him. Fais-le pour lui. Do it for him. Fais-le pour lui. And those who sing, those who rap, those who pray, those who play music. Et ceux qui chantent, ceux qui rappent, et ceux qui font la musique. Je veux que vous soyez spirituels. Spirituel. Spirituel. Don't just come and sing. Ne viens pas juste et chanter. Don't just come and play. Ne viens pas juste you jouer. Are prayed in tongues. Tu dois prier en langue. Yeah. The Spirit of God. L'Esprit de Dieu. Because you come and then you sing and people just... They would rather go and fornicate. Parce que tu vas venir et tu vas chanter et les gens vont plutôt aller forniquer. Yeah. Because there's no proper, you parce qu'il n'y a pas un esprit, un propre esprit derrière toi. Tu n'es pas yeah. Spirituel. Tu peux pouvoir, tu dois devoir chanter et les gens vont dire, je veux donner ma vie à Christ. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. Those who do sketch and those things, you have to pray. Ceux qui font le théâtre et ces choses, vous devez prier. You have to pray. Vous devez prier. You have to pray. Vous devez prier. If you are in a negative, whatever, a negative role. Si tu joues un mauvais rôle, tu dois prier. Yeah. And anytime you do your this thing, you have to pray for you. Et à chaque fois que vous faites vos pièces de théâtre, nous devons prier pour vous. After, we have to pray for you. Nous devons prier pour vous après. Because there are negative things. Parce qu'il y a des choses négatives. You are, like, you are doing the same thing. D'ici que tu t'en rends compte, tu fais la même chose. So it's not just playing, no. That's donc ce n'est pas say, juste have to pray. Jouer. Voilà pourquoi je dis que vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez prier. Before you come. Avant que tu viennes. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Because everything is a spirit. Parce que dans chaque chose, il y a un Satan esprit. Has spot it. Satan a gaspillé. Satan has spot it. Satan l'a gaspillé. So you have to put it in the proper order. Donc tu dois mettre les choses dans un by ordre correct. Par la prière. And by spirituality. Et par la spiritualité. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. God has given us talent. Dieu nous a donné des talents. Some of you can talk. Certains d'entre vous pouvez parler. This is the month you need to talk. Ça, c'est le mois où vous devez parler. Not with your friends. Pas avec vos amis. Talk. Ça, c'est le mois. Tu vas parler et prêcher aux gens. You wrap them. Tu vas les draguer. You have to. Tu vas les draguer. So when they hear, oh, I want to give my life to Christ. Oh, je veux donner ma vie à Christ. Yeah. Amen. Yeah. You have to be a lover of God. Tu dois être un amoureux de Dieu. You have talent. Tu as un talent. A lot of people have talent, but they don't want to use it. Beaucoup de gens ont des talents, mais ne veulent pas les utiliser. It's bad. C'est mauvais. One day you get to heaven. Un jour tu vas arriver au ciel. You see that you have done yourself bad. Tu vas voir que tu t'es fait du mal à toi-même. Yeah, done yourself bad. You had a lot of talent. Tu t'es fait du mal à toi-même. Tu avais beaucoup de talents que tu aurais pu utiliser. But you kept it. Mais tu les as gardés. Yeah. Kept it. Tu les as gardés. You understand? Est-ce que vous comprenez? Some of you don't know, but you have to try to discover your talent. Certains d'entre vous ne savez pas, mais vous devez essayer afin de découvrir vos talents. Yeah. Have to discover your talent. Découvrir vos talents. Some of you are telling you, oh, do this thing. Certains d'entre vous, je vous ai dit, oh, faites cela. Oh, you know, that's your talent. D'ici que tu t'en rends compte, c'est ça là ton talent. Yeah. Do this. Just go and try it and see. Fais cela. Va juste essayer et voir. See that? Ah, you had it, but you didn't know. Tu vas voir que ah je l'avais mais je ne savais pas. Some of you have to try and come and piano. Certains de vous devez essayer et venir jouer au piano. You see that within a short time you are able to play. Tu vas voir que d'ici un court moment tu pourras jouer. Because you haven't tried, you don't know. Parce que tu n'as pas essayé donc tu ne sais pas. Oh? Ou bien? Yeah. Try, you don't know. But you didn't know when you came to Accra. You didn't know that you can play. Quand il est venu à Accra, est-ce que tu savais que tu pouvais didn't jouer? Know, but now he's playing. Il ne savait pas mais maintenant il joue. Yeah. Last time he played at Kodesh, he said, hey, this boy. La dernière fois, il a joué à Kodesh. J'ai dit, hey, ce garçon. Hey, à Belém, vous avez un yeah. batteur professionnel. Yeah. Yeah. That time. And then this boy. Et ce garçon. That time, like, is it yesterday? He was complaining that he said he doesn't know how to play. C'était hier, il se plaignait qu'il ne sait pas comment Kodesh. Jouer. When he was playing Kodesh. Kodesh. Mais qu'il jouait like, à Kodesh. Wow, you have a good pianist. Ils ont dit, waouh, vous avez un bon pianiste. Yes, was very happy. Say, hey, IS était très contente. Est-ce que ce sont tes gens? Yeah. And you people, you are thinking that you don't have anything. Et vous pensez que vous n'avez rien. You have something that you don't know. Vous avez quelque chose que vous ne savez pas. You have something you don't know. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Don't despise your youth. Ne néglige pas ta jeunesse. Don't despise the small beginning. Ne néglige pas les petits commencements. Because there's something great in it. Parce qu'il y a quelque chose de grand à l'intérieur. Something great. Il y a quelque chose de grand, something grand. Great. Quelque chose de grand. You understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. Praise and worship. That's why they are going to sing. They are the first to sing. La louange et l'adoration. Voilà pourquoi ils sont les premiers à chanter. Yes, like wow, this is your praise and worship. Et c'était wow, cette louange, cette adoration, c'était puissant. They are powerful. Ils sont puissants. You have talent, though. Vous avez des talents. Don't know. Tu ne sais pas. Or despising it. Ou alors tu les méprises. Yeah. You have something, but you are despising it. Tu as quelque chose, mais tu méprises cela. De Gaulle. De Gaulle. Verses. Les versets. Charlie. Un prédicateur, powerful preacher. un puissant prédicateur. You don't know. Tu ne sais pas. How many verses can you learn in a combien day? De versets pouvez-vous apprendre en un jour? Hein? Combien? You may never know. Tu ne sais jamais. Don't despise. Ne méprise pas. Hallelujah. Amen. Don't despise. Ne méprise you pas. You have something. Tu as quelque chose. Or? Ou bien? Yeah, something. Tu as quelque chose. Try to discover it. Essaie de le découvrir. Try something. Essaie quelque chose. You understand? Est-ce que tu comprends? Essaye quelque chose. You can, there's nothing that you can't do. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Tu peux le faire. If you try it. Si tu essaies. Hallelujah. Amen. Are you with me? Aide-moi avec moi. Talent. Les talents. When you see this girl. Quand tu vois cette fille. She'll be making some noise. Then everybody will, oh. Elle a commencé à faire des bruits. Yeah. Et les gens étaient, oh, oh. She's making some noise in the song when they are singing. Elle faisait certains bruits dans les chansons beautiful. Quand on chantait. C'est beau. It's beautiful. C'est beau. Oh, you don't know? Ou vous ne savez pas. You don't listen. Vous n'écoutez pas. That bien c'est quelque chose que, you don't know. Que vous ne savez pas. Hallelujah. Amen. So don't keep your talent. Donc ne garde pas ton talent. Do you understand? Est-ce que tu comprends? Yeah. Because Matthew 25, verse 14. Matthew 25. Parce the que kingdom of God is as a man traveling onto a far country. Who called his own servants and delivered unto them his goods, and unto one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to everyone according to his several abilities, Matthieu, and straight away took his journey. Matthieu 25, verset 14 à 15. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelait ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Hallelujah. Amen. Yeah. Everybody, you have a talent, you have ability. Tout le monde, tu as un talent, everybody tu as une capacité, something. Tu as quelque chose. Yeah. Everybody. Tout le monde. Yeah. You understand? Est-ce que vous comprenez? Today I'll listen to the praise and worship. Yeah, aujourd'hui, j'ai écouté le praise and worship. This girl, there's something. Et je disais, oh, there's cette fille, il y a quelque chose. There's something inside. Il y a quelque chose à l'intérieur. There's something inside. Il y a quelque chose à l'intérieur. Yeah, there's something inside. Il y a quelque chose à l'intérieur. Do you know what I mean? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? If you don't try, you know. Si tu n'essaies pas, tu ne vas pas savoir. You know. Tu ne vas pas savoir. Hallelujah. Amen. So let's try it. Donc essayons. Amen. Amen. And then the last one, receiving a gift from God. Et le dernier, recevoir un don du Seigneur. Amen. Yeah, God gives you a gift. Pardon? There's more. Ah, it's not the last one. Forget it. It's a gift. Okay, for me, it's the last one. Pour moi, c'est le dernier. Hallelujah. Amen. A natural ability or talent. Une habilité naturelle ou un talent. Hallelujah. Amen. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Like, easily you can do something. Que facilement, tu peux faire quelque chose. Some people will try, but find it difficult. Certains vont essayer, mais c'est compliqué. But you, mais toi, when you get there, oh, easy. Quand tu arrives là-bas, oh, facilement. Easy. Facilement. Yeah, easy. Facilement. You understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. I remember Yamako. Je me souviens de Yann Mako. Do you remember Yamako? Est-ce que vous vous rappelez de Yann Mako? He said he went to some place. Il dit qu'il allait à un endroit. He went to witness to some people. Il allait témoigner à certaines personnes. Talk. Il a parlé. People, they didn't mind him. Et ils s'en foutaient de lui. Then, de la joie went there. Maintenant, de la joie est parti là-bas. Time realize, mais d'ici qu'on s'en rende compte, the people are in church. Les gens sont à l'église. It's a gift. C'est un don. Easy. Facilement. You understand? Est-ce que vous comprenez? Facilement. So that's like you have a natural ability of doing something. Donc tu vois que tu as une capacité naturelle de faire quelque chose. People. Une capacité naturelle de convaincre les gens. Singing. Une capacité naturelle de chanter. Of rapping. Une capacité naturelle de rapper. Yeah. Somebody has a talent, but he has to force to get a talent. Quelqu'un a un talent, mais il doit it's forcer like pour avoir talent. Ce talent. But you, it's easy. Mais toi, c'est facile. Hallelujah. Amen. Are you with me? Est-ce que tu es avec moi? Natural. Naturel. Hallelujah. Amen. Are you with me? But God has given us all. When God calls you, it means that He has given you a gift. Quand Dieu t'appelle, ça veut dire qu'il t'a donné un don. And you can develop it. Et tu peux développer ce don. Hallelujah. Amen. Romans 1 verse 11. For I long to see you that I may impart unto you some spiritual gifts to the end you may be established. Romains 1, 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Hallelujah. Amen. 1 Timothy chapter 4 verse 14. Neglect the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying out of hands of the presbytery. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige point le don qui est en toi et qui t'a été conféré suivant la prophétie par l'imposition des mains de la compagnie des anciens. Alléluia. Amen. Please stand up. Levez-vous, s'il vous plaît. Stand up. Levez-vous. Are you blessed? Êtes-vous béni? Can you see that God has called all of us? Est-ce que vous pouvez voir que Dieu nous a appelés, nous tous? What can you do in church? Qu'est-ce que tu peux faire dans l'église? You have a talent. As-tu un talent? God has called you. Dieu t'a appelé. Hallelujah. Amen. Yeah. When it's God talk about call, it's not for you to be a prophet. Quand on parle d'appel, ce n'est pas pour que tu... It's not necessary for you to be a pastor. Ce n'est pas forcé que tu dois it's être un pasteur. It's not necessary to be an evangelist. Ce n'est pas obligatoirement que tu dois être évangéliste. But even a talent. Mais même un talent. Even a gift. Même un don. God has called you. Dieu t'a appelé. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Amen. Vous êtes avec moi? I want you to close your eyes and pray. Je veux que tu fermes tes yeux et prie. And pray that God will give you the wisdom. Et prie que Dieu te donne la sagesse. To identify your talent and gifts. Pour identifier ton talent et ton and don. Develop it. Et le développer. Hallelujah. Pray Amen. For close your eyes and pray. Ferme tes yeux et Help prie. Help me to identify. Aide-moi à identifier. Help me to identify. Aide-moi à identifier. The talent. Le talent. If it's one. Même si c'est un. Or two. Ou deux. Or five. Ou cinq. Give me, let me identify them. Aide-moi à les identifier. And use them. Et les utiliser. Some people have five talents. Certains ont cinq they talents. They can play drums. Ils peuvent jouer au piano. They can sing. Ils peuvent chanter. They can rap. Ils peuvent rapper. They can do solo. Ils peuvent faire le solo. Some people just one. Certains juste un seul don. Lord, help me to identify mine. Seigneur, aide-moi à identifier so le mien. So that I can use it. Afin que je puisse l'utiliser. To glorify your name. Pour glorifier ton to nom. To bless your name. Pour bénir ton to nom. To win souls for your kingdom. Pour gagner des âmes pour ton royaume. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Pray and ask God prie et demande for wisdom, Seigneur, pour la sagesse, for wisdom, la sagesse, for wisdom, la sagesse, that come from above, qui vient d'en haut, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, we bless you. We thank you. We give you the glory for your word that has shed light onto the call, what it means to be called. Father, we thank you. May we identify our call. May we identify, may we see and respond to the call to help the kingdom. In the name of Jesus. And everyone say amen. Amen. Your eyes closed if you are here. Vos yeux fermés, si tu es ici. Everybody close your eyes. Tout le monde if you are here, you yeux. Want to give your life si tu es to Christ. Ici, tu veux donner ta vie à Christ. God is calling. The first call. Le premier appel. Is the call for salvation. C'est l'appel pour le salut. A call to receive salvation. Appelé pour recevoir a call le salut. To be saved. Un appel pour être a sauvé. A call from destiny of hell. Un appel qui te lève de l'enfer. To give you a destiny for heaven. Pour te donner une destinée du ciel. Hallelujah. If you are here. Si tu es ici. God is calling you. Dieu t'appelle. God is calling. If you don't respond to the call of salvation. Si tu ne réponds pas à l'appel du salut. You are likely to find yourself in hell. Tu es risqué de te retrouver en enfer. One day. Un jour. But God doesn't want that. Mais Dieu ne veut pas cela. God said that his desire. Il dit que son désir, that everyone is saved, c'est que tout le monde soit sauvé, including you, inclus toi, if you are here, si tu es ici, and tonight, et ce soir, we are giving you the opportunity. Tu es donné l'opportunité. Lift up your hands if you want to give your life Lève to Christ. Ta main si tu veux donner ta vie à Christ. Lift up your hands. Lève ta main. We are almost closing, but we want to pray for you with you. Nous fermons bientôt, mais nous voulons prier avec vous. I want you to give your life to Christ. Tu veux donner ta vie à Christ. Father, we thank you. We bless you, we honor you in the name of Jesus. Amen.